إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 13 dans l'explication de شرح مسائل الجاهلية. C'est le شرح du Cheikh Salih Al-Fawzan qu'il a fait du livre qui s'appelle مسائل الجاهلية. مسائل الجاهلية c'est différents points qui ont été mentionnés parmi les choubouhats des gens de la jahiliya. Et qu'est-ce qu'ils suivaient comme religion avant l'islam. Donc on est arrivé au point numéro 33 aujourd'hui. 23. Al-Ightiraru bid-dunya. Al-Ightiraru bid-dunya, c'est-à-dire de se laisser tromper par la dunya. Al-Mas'alatu al-Thalitha wal-Ishrun. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول إن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمبعوثين. donc le شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله يقول Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit que la vie d'ici-bas les a trompés. Les gens de la jahiliya, les gens de l'ignorance, ils ont été trompés par la vie d'ici-bas. Et ils ont cru que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné quelque chose de la dunya, c'était une preuve de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala envers eux. Comme lorsqu'ils disent par exemple dans le verset 35, dans surat, comme Allah il dit dans surat Saba, le verset 35, نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. C'est-à-dire, nous avons plus de biens et plus d'enfants. Et nous ne serons pas châtiés, nous ne serons pas punis. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là. Il dit, أما أهل الجاهلية يعتبرون إعطاءهم الأولاد والأموال من كرمهم على الله عز وجل. وأن الله لا يعذبهم قال وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلى قوله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فليست كثرة الأموال والأولاد والثروة دليلا على محبة الله للعبد بل إنه قد يعطي الكافر من أجل أن يستدرجه وفي الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب وفي الحديث الآخر لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. Donc on va lire ce passage là. Le Cheikh Al-Fawzan il dit que les gens de la jahiliya ils considéraient ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne comme enfant et comme bien comme étant un signe de la noblesse que Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré, yani. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait preuve de grâce et il leur a donné des enfants, ils pensent que c'est un signe de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, hein, et de la satisfaction qu'il a envers eux, et ils croient que donc c'est un signe qu'ils ne vont pas être châtiés dans l'au-delà, parce qu'ils ont été, ils ont reçu dans cette dunya plein de biens, plein de richesses. Donc pour eux c'est un signe qu'ils sont choyés et élus par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il mentionne les versets, en sourate Saba, versets 35 à 37, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il dit, nous avons davantage de richesses et d'enfants, et nous ne serons pas châtiés. Dit, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous. Sauf celui qui croit, hein, et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs du paradis. Et quant à ceux qui s'efforcent à rendre nos versets inefficients, ceux-là seront forcés de se présenter au châtiment. Dit, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace, et c'est lui le meilleur des donateurs. Donc ça c'est les versets que le cheikh a mentionnés pour montrer la question que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait donné à quelqu'un de la richesse ou des enfants ou des biens dans cette dunya, ça ne veut pas dire qu'il est satisfait de cet individu-là. Peut-être que quelqu'un il n'a rien, hein, et lui il est un des plus élevés aux yeux de Dieu. Hein. Tandis que l'autre il a tout dans cette dunya et il ne pèse rien et il ne vaut rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la question des biens, de la richesse, des enfants, c'est pas la preuve que Allah aime quelqu'un. Et il dit que c'est bien possible que Allah subhanahu wa ta'ala donne de la richesse ou de l'argent au kafir dans le but de l'élever pour qu'il s'imagine qu'il est justement correct et qu'il est bien et qu'il persiste, donc il va continuer et il va persister dans sa transgression, dans sa désobéissance et dans son égarement, hein. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala il utilise ça, ce moyen-là avec ces gens-là pour les enfoncer encore plus dans l'égarement comme punition pour eux du fait qu'ils se sont aveuglés et qu'ils se sont détournés du droit chemin. D'accord? Donc, yastadrijuhum. Hein? Il leur fait croire que ça y est, ils sont bien, ils sont corrects. Et par la suite, il les punit pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Et il y a un hadith, c'est un hadith qui est rapporté par Ahmad, et qui est rapporté par Al-Hakim également, et Al-Hakim il a dit que c'est un hadith sahih al-isnad. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit, inna Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne de la dunya à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Mais en ce qui concerne la religion, il ne la donne qu'à celui qu'il aime. Donc la dunya, il donne à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Donc il n'y a pas de privilège à quelqu'un qui est kafir et qui a beaucoup de la dunya. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui ont de la difficulté à comprendre ça. Ils voient que les puissances occidentales, ils ont une force, ils ont de la richesse, ils ont des biens, ils s'imaginent que ça y est, c'est la preuve qu'ils sont, que Allah est satisfait d'eux, que Allah leur a donné la baraka et le bien. Hein. Et ils voient la situation de certains musulmans dans certains pays musulmans, et ils disent, bon, ça c'est le signe que Allah subhanahu wa ta'ala les a laissés ou bien les a abandonnés. Allah il donne la dunya à celui qu'il aime et il la donne à celui qu'il n'aime pas aussi. En ce qui concerne la religion, il la donne que à celui qu'il aime, il la donne seulement à celui qu'il aime. Donc s'il t'a donné l'islam, c'est le signe que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Hein? Et s'il t'a donné la sunna, c'est aussi encore plus parce que c'est la guidance dans la guidance, la lumière dans la lumière. Hein? Ensuite, le cheikh il dit, dans un autre hadith, il mentionne un autre hadith qui dit, si cette dunya avait, auprès d'Allah, la valeur de l'aile d'une mouche, ou de l'aile d'un moustique, le kafir n'aurait même pas reçu une goutte d'eau. Une goutte d'eau pour boire. Hein? C'est-à-dire, il n'aurait même pas reçu une gorgée d'eau. Ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi. Hein, et il est authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami' le hadith numéro 5292. Donc, c'est-à-dire que cette dunya, elle n'a aucune valeur. Puisque s'il avait une valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, le kafir n'aurait même pas eu une goutte d'eau. hein. Et là, ils ont plus qu'une goutte d'eau. Ils ont l'eau et le miel et la richesse et l'argent et les biens et tout ce qu'ils désirent dans cette dunya. Donc, c'est la preuve que ce monde n'a aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une épreuve pour nous. Ensuite, il dit, « وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ وَكَذَلِكَ صَحَابَتُهُ يُصِيبُهُمُ الْجُوعُ وَيُصِيبُهُمُ الْفَقْرُ وَالْفَاقَةُ وَهُمْ أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالْكُفَّارُ يَصْرَحُونَ وَيَمْرَحُونَ فِي النِّعَمِ مِنْ بَابِ الِاسْتِدْرَاجِ لَهُمْ فَلَا يُسْتَدَلُّ بِزَهْرَةِ الدُّنْيَا عَلَى كَرَامَةِ أَهْلِهَا عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِنَّمَا يُسْتَدَلُّ بِكَرَامَةِ الْعَبْدِ عَلَى اللَّهِ إِذَا كَانَ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ سَوَاءً كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فهذا هو الكريم على الله سبحانه وتعالى ومعايير الناس أن أهل الدنيا وأهل الغنى والثروة هم أكرم عند الله عز وجل فإن أهل الفقر وأهل الفاقة إنما كانوا كذلك لهوانهم على الله. Donc le cheikh explique, il dit que regardez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était la créature la plus noble pour Allah subhanahu wa ta'ala, de même que ses compagnons. Et malgré ça, ils étaient atteints par la faim, par la pauvreté, par le besoin. Et ce sont les créatures les plus nobles d'Allah subhanahu wa ta'ala après les prophètes. Alors que les kuffars, eux, tu les vois en train de jouir de tous les délices et de tous les plaisirs de cette vie. Et ça, c'est uniquement pour ruser contre eux, pour les égarer encore plus. Hein? Donc, c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on regarde dans le contexte et l'environnement dans lequel il a vécu et dans l'état dans lequel il vivait. Est-ce qu'il vivait comme les rois et comme les princes et comme les empereurs de ce monde, entourés de plaisirs et de richesses dans cette vie d'ici-bas? Non, il vivait dans la simplicité, dans la modestie, il avait peu de biens, il était satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait, hein, tout ce qu'il avait, il le donnait fi sabilillah. Et les sahaba la même chose. Ils n'étaient pas intéressés et ils ne couraient pas derrière la richesse et les biens. Sinon, s'ils voulaient ça, ils pouvaient l'avoir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert la porte de toutes les richesses et de tout le bien dans cette dunya. Mais c'était pas vers ça qu'ils couraient et c'était pas ça qu'ils cherchaient. Et même quand ils ont réussi à conquérir des différents territoires et des grands espaces et des grands empires, ils n'ont pas dit notre première volonté ou notre premier intérêt c'est de prendre ces richesses-là et de jouir de ça et de devenir les maîtres du monde. Non, c'était uniquement d'établir l'unicité d'Allah, le tawhid et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de profiter de ces richesses et de ces biens-là pour justement faire avancer cette cause-là et pour l'utiliser pour l'au-delà, pour l'akhirah et non pas pour cette vie d'ici-bas. Hein? Donc, alhamdoulilah, après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, donc on ne doit pas prendre les parures et les embellissements de cette dunya comme un signe pour dire que les gens qui possèdent ces richesses-là sont honorés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les gens qui sont riches à notre époque, que ce soit des vedettes, que ce soit des hommes d'affaires ou des hommes riches, qui vivent dans les plus beaux endroits au monde, qui ont les plus belles maisons, les plus belles femmes, les plus belles richesses que quelqu'un peut désirer dans ce bas monde. Et pourtant, ce sont parfois parmi les créatures les plus éloignées de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et les plus loin de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il dit, on n'utilise pas les richesses pour montrer que, on n'utilise pas ces choses-là comme preuve que Allah aime ces individus-là. Mais plutôt, on regarde, est-ce que la personne est sur les bonnes œuvres? Elle fait des bonnes œuvres. Amalun salih. Donc, si on voit que la personne fait des bonnes œuvres, peu importe qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, ça c'est la preuve que cet individu, il est agréé d'Allah et qu'Allah est satisfait de lui. Mais si on trouve que non, il n'est pas en train de faire les bonnes œuvres, il n'est pas sur la bonne croyance, alors dans ce cas-là, il n'est pas agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amalun salih. Amalun salih, c'est-à-dire un acte qui est salih, qui est pieuse. Wa alaykum salam, Abdul Karim, mashallah. Alhamdulillah. Donc le cheikh il dit, les repères que les gens de la dunya utilisent pour juger, ce sont des repères et des références qui sont incorrectes, qui sont fausses. Hein? Pour eux, comme on a dit tout à l'heure, la richesse et tout ça, pour eux c'est ça la noblesse auprès d'Allah, et pour eux les gens de la pauvreté, les gens du besoin, pour eux sont des gens qui sont dénigrés, rabaissés, humiliés par Allah, alors que ce n'est pas le cas. Quelqu'un peut être pauvre, quelqu'un peut être dans le besoin, quelqu'un peut être faible, quelqu'un peut être malade, quelqu'un peut être sans un sou, dans la rue, il dort par terre, il n'a pas de maison, et puis il est plus élevé et il pèse plus lourd dans la balance d'Allah au jour de la résurrection que des milliers d'hommes riches qui sont mécréants à Allah ou bien qui n'ont pas la foi en Allah. Cheikh il dit ensuite, le cheikh il passe maintenant à un autre point, c'est al-mas'alatu al-rabi'a wal-ashroun, le point numéro 24. زهدهم في الحق إذا كان عليه الضعفاء. Le fait qu'ils se détournent de la vérité lorsqu'ils voient que ceux qui sont sur cette vérité-là sont les pauvres et les faibles. Hein? Donc ça c'est grave. Ça c'est les gens de la jahiliya. Ça c'est les caractéristiques des gens de la jahiliya. S'ils voient que c'est des gens qui suivent la religion d'Allah sont des gens faibles, des gens pauvres, hein? Eh ben tout de suite ils ils disent, bon, ça c'est la preuve que c'est pas la vérité. Comme il y avait un point dans les points précédents qu'on a expliqué, qui mentionnait que les gens de la jahiliya, ils regardaient par exemple la force des gens qui sont sur quelque chose pour savoir si c'était la vérité ou non. Et s'ils voyaient comme al-istidlal bi anna ma alayhi ad-du'afa laysa haqqan, on a mentionné ce point-là, c'est le point numéro 8. Et il y avait d'autres points aussi semblables à celui-là. En tout cas, il y a plusieurs points qui ont été mentionnés, c'est dans la même signification. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit "Tark ad-dukhul fi al-haqq idha sabaqahum ilayhi ad-du'afa takabburan wa anafa." Fa anzala Allah ta'ala "Wa la tatrud alladhina yad'una rabbahum al-ayat." Donc ça c'est les paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit d'abandonner le fait de rentrer dans la vérité et de suivre la vérité, c'est-à-dire de rentrer dans l'islam et de suivre l'islam, parce qu'ils y ont été précédés par les faibles. C'est-à-dire, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était qui les premiers qui ont accepté l'islam? Parmi les premiers, on trouvait des gens faibles, des esclaves, hein. Et donc, à cause de ça, les gens de Quraysh, par orgueil et par fierté, ils disaient, nous on va pas rentrer dans cette religion-là, puisque eux, ils nous y ont précédés. Et donc, eux, ils voulaient avoir le mérite et l'honneur d'être les premiers à accepter quelque chose. Du fait qu'ils sont riches et qu'ils sont puissants et qu'ils sont respectés dans la société, ils veulent être les premiers à pouvoir être dans cette religion-là. Et quand ils ont été précédés par des faibles, eh ben, ils disent, bon, ça c'est une honte, moi, si par la suite je rentre dans cette religion-là, parce que ces gens-là m'ont précédé, ça veut dire quoi? Ils ont reconnu la vérité de quelque chose avant nous. Ils sont faibles, ils sont plus bas que nous, et ils ont compris que cette chose-là était vraie avant nous. Donc c'est la honte pour nous. Et ils refusent de ça à cause de leur orgueil. Et le cheikh, il mentionne le verset 52 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et ne repousse pas ceux qui matin et soir implorent leur Seigneur cherchant sa face, leur demander compte ne t'incombe en rien, et te demander compte ne leur incombe en rien, en les repoussant donc tu serais du nombre des injustes. » Et c'est ça qu'on avait mentionné dans les cours précédents à propos de ce verset-là, parce que il voulait que ça c'est à propos du prophète Nuh alayhi salam, il voulait qu'il chasse les pauvres. Il dit ok, chasse les pauvres qui sont avec toi, que nous on va rentrer. dans ta religion. Parce qu'on ne veut pas être avec des pauvres dans cette religion-là, tu vois, c'est la honte pour nous. Donc chasse-les, puis nous, par la suite, on va rentrer. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas les chasser. Parce que ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pas de compte à leur demander ou d'exiger quoi que ce soit d'eux. Donc, et s'il les repoussait, à cause du fait qu'ils sont pauvres, ils seraient du nombre des injustes. Et donc, il mentionne le Cheikh Al-Fawzan dans le Sharh, أهل الجاهلية يرفضون الحق إذا كان عليه الضعفاء من الناس ولهذا قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا يعني ليسوا أولى بالجنة منا نحن أقدم منهم وأشرف منهم هؤلاء ضعفاء ما لهم قيمة ولا مقدار في المجتمع وقد رد الله عليهم بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين فالله جل وعلا لا يعطي هذا الدين إلا لمن أحب أما الدنيا فيعطيها لمن شاء يعطيها لمن يشاء من أحبابه ومن أعدائه. Donc le cheikh dit les gens de la jahiliya, ils refusaient la vérité s'ils trouvaient que les faibles étaient sur cette vérité là avant eux. Et c'est pour ça qu'ils disent, il dit ensuite dans le verset, on a lu le verset 52, dans le verset 53, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Al-An'am, ainsi éprouvons-nous les gens les uns par les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve toujours les gens, il met les gens à l'épreuve les uns par les autres. Pour qu'ils disent, est-ce là ceux qu'Allah a favorisés parmi nous? C'est-à-dire les riches, ils disaient, est-ce que c'est ceux-là, les pauvres, les esclaves, les gens bas dans la société, c'est eux que Allah a favorisés parmi nous? N'est-ce pas, et Allah subhanahu wa ta'ala répond, il dit, n'est-ce pas Allah qui sait mieux lesquels sont les reconnaissants? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux qui sont les reconnaissants. Donc, ensuite, le cheikh, il dit, c'est-à-dire, eux, les riches, ils disaient, nous, on mérite plus d'être au paradis. Hein? On est plus ancien que, on est plus noble que, ceux-là sont des pauvres, ils n'ont aucune valeur, aucun poids dans la société. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés en disant, alayhi sallahu bi a'lam bi shakirin. N'est-ce pas que Allah connaît mieux qui? Hein? Celui qui est reconnaissant. Allah connaît mieux celui qui est reconnaissant. Hein? Donc Allah, comme on disait tout à l'heure, dans la parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit, Allah, il ne donne pas la religion excepté à celui qu'il aime. Il donne seulement la religion à celui qu'il aime. Mais la dunya, il la donne à celui qu'il aime, parmi ses alliés, et il le donne également à ses ennemis. La dunya, il la donne à tout le monde, sans distinction. D'accord? Ensuite, le point numéro 25. Al-mas'alatul khamisa wal-ishroun. Il dit, al-istidlalu ala kawni shay batilan bisibqi du'afa'i ilayh. C'est encore le même point. الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء. Tout à l'heure, c'est زهدهم في الحق إذا كان عليه الضعفاء. C'est-à-dire, ils ont trouvé que les ضعفاء étaient dans, les faibles étaient dans l'islam, ils ont dit nous, on ne veut pas entrer parce que eux, ils sont déjà là-dedans. Ou bien ils sont dans cette religion-là, donc c'est une religion de pauvres. Nous, on ne veut pas rentrer dedans. C'est une religion de faibles. Et le fait de, quand ils sont précédés, par les pauvres, la même chose. لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قل لو كان. C'est ça ce qu'il disait également. Les mouchikouns et les koufars, ils disaient, si c'était vrai, si c'était une bonne chose, ces gens-là ne nous auraient pas précédés dans cette religion-là. Ça, c'est dans le verset 11, dans Surat Al-Ahqaf. Si l'islam était vrai, ces gens-là n'auraient pas précédé dans l'islam. On les aurait précédés si c'était bien. الشيخ الفوزان يكسبلك من عادات أهل الجاهلية الاستدلال على بطلان الشيء بسبق الضعفاء إليه كما قال الله عن المشركين أنهم يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه يقولون نحن أهل معرفة وأهل خبرة وأهل تفكير نعرف الأمور ولما رأينا أن هذا الذي جاء به محمد ليس حقا ولما رأينا أن هذا الذي جاء به محمد ليس حقا تركناه ولو كان حقا لسبقنا إليه فتركنا له دليل على أنه ليس حقا وهذا من أبطل الباطل لأن الحق ليس اتباعه موقوفا على طبقة من الناس بل اتباع الحق منة يمن الله بها على من يشاء من عباده ويوفقه لها وأتباع الرسل أكثرهم من الضعفاء كما قال تعالى أنؤمن لك واتبعك الأرذلون Donc le cheikh explique, il dit que les gens de la Jahiliya, parmi leurs... lequel? Eh bien, quand je vais arriver là-bas, je vais... Al-Ahqaf, c'est le verset 11. لَوْكَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ C'est le verset 11 dans surat Al-Ahqaf. Les gens de la Jahiliya, ils utilisent le fait que les faibles les ont précédés pour essayer de dire que ce que cette religion-là enseigne n'est pas vrai. Parce qu'ils disent les faibles nous ont dévancés, comme on a dit tout à l'heure. Et il mentionne, le cheikh, le verset 11, qui mentionne les paroles du mushrikin, quand il disait, si c'était bien cette religion-là, ces gens-là ne nous auraient pas précédés à l'accepter. Donc il dit, nous on est les gens, les mushrikoun ils disent, nous sommes les gens de la connaissance. Nous sommes les gens de l'expérience, nous sommes les gens de la pensée, de la réflexion. On connaît les choses. Hein? Et donc, quand on a écouté les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce qu'il a mentionné, et qu'est-ce qu'il a expliqué comme religion, on a vu que ce n'était pas la vérité, et on l'a abandonné. Si c'était la vérité, on aurait été les premiers à l'accepter. Donc le fait qu'on ne l'a pas accepté, c'est la preuve que c'est faux. Que c'est pas la vérité. Ça c'est la parole des mushrikines. C'est l'argument des mushrikines. Et aujourd'hui, il y a des gens comme ça. Même parmi les musulmans, hein, qui refusent par exemple d'accepter la vérité qui est dans le Coran et dans la Sunna, sous prétexte que eux, ils sont plus évolués, plus éduqués, plus philosophes que d'autres, hein. On a entendu ces gens-là. Quand on les appelle à suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs, ils disent, ah, mais ça, ces gens-là, parmi les salafis, c'est des jeunes. C'est des jeunes, et c'est des gens qui sont pas éduqués, ils ont pas l'éducation occidentale, ils ont pas des grands diplômes, sont pas des ingénieurs, des médecins, des philosophes, des penseurs, hein. Donc, ça peut pas être vrai ce qu'ils suivent. La vérité, c'est suivre ce qu'on a suivi, nous, comme religion, comme islam. La foi des Mu'tazilas, hein. Tu mets ta raison devant la révélation, tu utilises ton intelligence pour comprendre les textes. Hein? Tu juges le texte avec le contexte, hein? Comme certains aiment le dire. Et ils utilisent ça pourquoi? Pour se mettre devant les savants de l'islam. Ils disent les savants de l'islam, ils n'ont aucun privilège que par rapport aux médecins ou aux spécialistes des sciences humaines ou des gens de la dunya. Ils doivent être eux aussi appelés des ulama, comme les ulama de l'islam. Et ils ont autant les ulama de l'islam ont autant besoin d'eux qu'eux ont besoin des ulama de l'islam. Pour essayer de rabaisser le niveau des ulama, alors que Allah les a élevés dans le Coran. Hein? Et toutes les éloges qui ont été faites au sujet des hommes de science, dans le Coran et dans la Sunna, ça parle des ulama de la charia, et non pas les ulama de d'autres choses. Hein? Donc c'est ça ce qu'ils disent, nous on est des soufis, on est des philosophes, des penseurs islamiques, on amène une réforme, on veut changer les choses. Les salafis, des gens ils sont des littéralistes, hein, ils voient tout, des choses, ils veulent appliquer le Coran et la Sunna à la lettre, et ils se basent juste sur le sens apparent du texte, ils ne voient pas plus loin que le texte, et hein, ils ne comprennent pas le contexte. Ça c'est les choubouhats qu'ils jettent aux gens. Oh, les salafis littéralistes, ça c'est des gens faibles d'esprit, ils comprennent juste la lettre, ils ne comprennent pas plus que ça. Tous les imams de Ahl al-Sunna, c'est tous des salafis. L'imam Ahmad, l'imam al-Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, hein. C'était tous des gens qui se basaient sur le sens apparent du texte, mais ils comprennent les textes les uns avec les autres. Ils ne font pas frapper les uns contre les autres, ils les appliquent les uns avec les autres. Quand il y a un texte qui n'est pas clair, qui est mutashabih, qui peut être interprété de différentes façons, ils le ramènent aux muhkamat, aux textes qui sont clairs. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à les comprendre. Et donc, il y a des, bien entendu beaucoup de détails qui ont été mentionnés par les ulama à ce sujet-là. Mais c'est pour dire que il y en a qui dénigrent les gens parce qu'ils suivent la sunna, hein, et qui se basent sur des prétextes et des excuses qui sont pas, valables. Toutes ces questions-là, de toute façon, sont mentionnées et sont expliquées dans les livres par les ulama, et en particulier les questions qui ont rapport avec le fait de lire le sens apparent du texte et de, d'être littéraliste, et toutes ces choses-là sont expliquées dans les livres de Usul al-Fiqh. Et les ulama ont expliqué quand est-ce qu'on doit prendre le sens apparent, quand est-ce qu'on a le droit de ne pas prendre le sens apparent, c'est quoi les règles qui se rapportent à ces choses-là. Et donc ces gens-là, ils veulent juste lancer de la poudre aux yeux des gens qui n'ont pas de connaissance de l'islam et qui ont déjà été, disons, éblouis et gagnés aux philosophies et aux modes de pensée occidentales, et qui croient déjà que le mode de vie occidental est supérieur. J'en ai entendu parmi eux qui disaient une fois que les sciences de l'islam, ils disent les koufars ont pris les sciences de l'islam et c'est eux qui les utilisent aujourd'hui. Et maintenant, nous les musulmans, on les a oubliés, on les a perdus. De quoi ils parlent quand ils disent ça? Ils parlent des philosophes grecs et des livres de philosophie grecs. Ils disent c'est nous les musulmans qui avons amené, soi-disant, les livres de philosophie grecque en Europe et qui leur avons amené ces sciences-là, et eux ils nous les ont pris et ils les ont développés par la suite, et là ils sont là où ils sont à cause de ces sciences-là. Et ils ne réalisent pas que qu'est-ce qui a amené beaucoup de musulmans à s'éloigner justement de la vérité et du Coran et de la Sunna, c'est du fait qu'ils ont justement corrompu leur compréhension ils se sont éloignés de la vérité de l'islam à cause de ces livres de philosophie-là. Hein? Parce qu'ils ont voulu essayer d'interpréter la religion et les fondements de la croyance en se basant sur ces livres de philosophie-là. C'est pas à cause du fait que les musulmans, parce que ces sciences-là sont pas des sciences, c'est pas les sciences de l'islam, c'est pas les sciences du Coran et de la Sunna, c'est les sciences des philosophes. Donc, ces choses-là, ils les ont pris, ils les ont ramenés en Europe, eux, ils les ont utilisés, ils disent ça, c'est des sciences islamiques. C'est pas des sciences islamiques, c'est des sciences, c'est des trucs de philosophie des koufars que les koufars eux-mêmes ont écrit et qu'ils ont essayé d'utiliser. Certains parmi eux sont égarés à cause de ça. D'autres ont réussi à, peut-être, en profiter dans qu'est-ce qui était bénéfique de, qu'est-ce qui était dans ces livres-là, mais, il y a eu beaucoup de méfaits qui sont sortis de tout ça. Tout ça pour dire que ces gens-là ont souvent, ils ont mélangé la vérité et le faux. Ils sont complètement confus dans leur compréhension de l'islam et dans leur connaissance de la religion islamique. Et ils ont pris les salafs avec un dénigrement. Ils regardent les salafs comme des gens qui n'ont aucune valeur. Et comme il y en a certains d'entre eux qui ont écrit et qui ont dit aussi que c'était juste des gens qui vivaient dans le désert avec des chameaux, ils n'étaient pas évolués, ils n'avaient aucune évolution, aucune civilisation. C'est comme ça qu'ils parlent des salafs. Hein? Ils disent que nous, on est des gens évolués, on a des gens civilisés parce qu'on a pris les sciences des koufars. Et c'est les sciences des koufars qui nous ont fait sortir de notre ignorance, soi-disant. أعوذ بالله نسأل الله العافية. Donc ok, donc ça c'est à ce sujet, ok, et donc le cheikh qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça c'est la plus grande forme de mensonge et de fausseté, qu'est-ce que les mouchriquines prétendent, parce que la vérité, le fait que quelque chose soit vrai, ça ne se limite pas au fait qu'une catégorie ou une classe parmi les êtres humains le suivent ou non. C'est pas quelque chose qui s'arrête à ça. Le fait que quelque chose soit vrai, ça s'arrête pas au fait qu'une classe ou une catégorie de la population l'accepte ou non. Hein, que les intellectuels, par exemple, les philosophes dans la société, peu importe quelle société, et que eux ils l'acceptent. Et que si eux ils l'acceptent pas, c'est pas le haqq. Hein? Comme dans certaines sociétés, les intellectuels c'est qui? Ici par exemple, en Occident, les intellectuels c'est qui? C'est les philosophes, hein, les journalistes, les penseurs, les avocats, les scientifiques, les kuffars, souvent, ceux qui sont, il y en a qui peuvent être athées, il y en a qui peuvent être autre chose, mais c'est pour dire que eux sont considérés comme étant des intellectuels. Si eux ne sont pas d'accord avec quelque chose, alors c'est pas le haqq, c'est le batil pour eux. Donc pour eux l'islam c'est batil, parce qu'ils ont décidé, leurs intellectuels ont décidé que c'était pas la vérité, donc pour eux c'est pas la vérité. Hein? Et si eux disent que quelque chose est vrai, tout le monde en dessous doit dire la même chose qu'eux. Et si nous on le dit, si on dit quelque chose, on dit Allah a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est pas la vérité, parce que nous on fait pas partie de cette classe soi-disant selon eux. Hein? Donc ça c'est des exemples. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, c'est pas ça la référence, c'est pas ça le critère, et c'est pas ça qui détermine qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. C'est pas que ce soit cette catégorie soi-disant intellectuelle qui décide qu'est-ce qui est le haqq et qu'est-ce qui est le batil. Parce que c'est soi-disant intellectuel qui prétendent suivre qu'est-ce qui est rationnel et qu'est-ce qui est basé sur l'intelligence. La plupart d'entre eux ne font que suivre leur passion. Ils font que suivre leur passion et ils prétendent être raisonnables et scientifiques. Hein? Donc c'est pas ça la référence, c'est pas ça la base. Donc, le cheikh il dit, de suivre la vérité, c'est une grâce d'Allah, et c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fait et qu'il donne à qui il veut de ses serviteurs, et à qui il donne le succès de la suivre, à qui, et c'est lui qui décide. Hein? Et les gens qui suivent les messagers, la plupart d'entre eux sont parmi les faibles. Les gens qui ont suivi les messagers sont souvent parmi les faibles. Et c'est pour ça que Allah dit dans le verset 111 dans Surah Ash-Shu'ara, أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ. Est-ce qu'on va croire en toi? Ça c'est les mouchriquins qui disent ça au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on va croire en toi alors que ce sont les plus vils d'entre nous qui ont cru en toi, les plus bas d'entre nous, les plus faibles d'entre nous qui ont cru en toi? Est-ce que nous on va accepter ce que tu dis? Hein? Donc c'est comme ça, même encore aujourd'hui les coupards, hein, quand ils les appellent à l'islam, tu leur expliques l'islam, verset surat al-shu'ara, les poètes, hein, quand tu leur dis, hein, Allah, tu les appelles à l'islam, tu leur parles de l'islam, est-ce que on va pas croire à cette religion-là, c'est qui est-ce qui croit en cette religion, hein? Pour eux, là, c'est comme, non, des barbus, là, avec la barbe, hein? Eux, ils suivent cette religion, nous, on va pas rentrer là-dedans, on est plus évolués, plus sophistiqués, plus, c'est comme ça qu'ils pensent. Comme si c'était le fait de, c'était eux qui déterminaient qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. قوله وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. Le verset 27 dans Surat Hud. Comme on avait mentionné dans un cours précédent aussi, ça on en a parlé de ce verset-là. Et ça c'est un exemple parfait de l'attitude des mouchrikoun et des kuffar encore aujourd'hui. Hein? Quand l'exemple de Nuh, c'est dans ce verset-là, tout à l'heure je disais Nuh, mais c'était pas dans le verset de tout à l'heure, c'était celui-là. Il dit, ô mon peuple, que vous en semble, si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde, une prophétie échappant à vos yeux est venue à moi de sa part, devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugnez? Parce que dans le verset 27, ça, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit les notables de son peuple qui avaient mécru, dire alors, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les villes, hein, les plus faibles, les plus bas parmi nous, qui te suivent sans réfléchir. Hein, il les accuse de ne pas réfléchir. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt, nous pensons que vous êtes des menteurs. Tu vois? Et par la suite, le verset qui suit ensuite le verset 28, après le 28 je l'ai lu déjà, le verset 29, « Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour, mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru. Ils auront à rencontrer leur Seigneur, mais je vous trouve des gens ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre la punition d'Allah si je les repousse, ne vous souvenez-vous pas, et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah. Je ne connais pas l'inconnaissable, Al-Rayb. Et je ne dis pas que je suis un ange. Et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent. C'est-à-dire les croyants qui sont faibles, hein, ou bien qui sont pas parmi les puissants et les riches. Et je ne dis pas à propos des gens que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leur âme, et si je leur disais, je serais du nombre des injustes. Donc c'est pour dire que les mouchrikoun, ils méprisaient les croyants parce qu'ils ne faisaient pas partie de leur classe sociale, ils n'étaient pas parmi les riches, ils n'étaient pas parmi les philosophes, les hauts placés, les gens éduqués. Aujourd'hui, c'est comme ça. Quand on est parti, par exemple, en Afrique, pour faire les conférences et tout, et qu'on a vu comment là-bas les choses sont organisées. Et même dans les pays arabes, c'est pas juste en Afrique de l'Ouest, même dans certains pays de l'Afrique du Nord et dans d'autres pays aussi, les gens qui ont fait des études françaises, même s'ils n'ont pas de connaissance de l'islam, même s'ils n'ont pas étudié la religion, même s'ils ne sont pas religieux, on les élève, et c'est eux qui ont les meilleurs postes dans la société, qui sont haut placés, et qui dénigrent les musulmans qui ont étudié l'arabe et qui connaissent le Coran et la Sunna, parce que pour eux le prestige et le respect, c'est de connaître la langue française, d'avoir une éducation occidentale, et de penser comme les occidentaux, et de vivre comme eux-mêmes, de s'habiller comme eux-mêmes. Hein? Donc, dans les pays du nord du Maghreb, la même chose, souvent c'est ça. Les gens qui ont fait des études françaises, qui ont étudié la langue française bien, hein, si quelqu'un parle français, pour eux, c'est tout de suite, il fait partie d'une autre classe sociale, il est au-dessus des autres. Celui qui ne parle pas français, qui ne parle pas anglais, il est regardé comme étant quelqu'un de bas. Et tu vas aller voir cette attitude arrogante qu'ils ont, hein. Peu importe leur niveau d'ignorance, ils se considèrent plus élevés, plus hauts, plus éduqués que ceux qui connaissent le Coran et qui connaissent la Sunna. Et ils les regardent comme s'ils étaient en haut d'eux. Et ils les traitent comme s'ils étaient des gens bas. Ça c'est la façon dont ils jugent les gens qui étudient la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils disent que parce que, justement, ils n'ont pas eu cette éducation occidentale, ou cette façon de penser chez eux, hein, que c'est des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne sont pas capables de réfléchir ou de comprendre les choses de ce monde, ou des choses pareilles. Walaykoum salam. Et ça, bien entendu, c'est exactement l'exemple de ce que disaient les mouchrikoun à l'époque des prophètes. L'attitude qu'ils avaient envers les croyants. La même chose. Donc le cheikh, il dit, il mentionne le verset 28 dans Sourate Hud, il dit « وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِيَ الرَّأِيِ أي ليس عندهم تفكير يزعمون أنهم هم أهل التفكير وأهل العقول فلو كان ما جاء به نوح صلى الله عليه وسلم حقا اتبعه أهل الرأي والملأ من الناس فتركهم له دليل على أنه ليس حقا فهذا باطل وهذا باطل لأن الغالب أن الذين يكفرون بالحق هم أهل الطرف كما قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إن بما أرسلتم به كافرون وغالب من يتبع الحق الضعفاء والفقراء لأنهم ليس عندهم تكبر والاستدلال على الشيء بأنه حق اتباع الأغنياء له أو ذوي الجاه والاستدلال على أنه باطل باتباع الضعفاء هذا معيار أهل الجاهلية لا يجوز أن يتخذ ميزانا يوزن به معرفة الحق من الباطل ولهذا يقول العلماء الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق donc le cheikh il mentionne deux versets que j'ai mentionné tout à l'heure hein nous ne voyons ma naraka ittaba'aka on voit seulement que ceux qui t'ont suivi ce sont les plus bas d'entre nous les plus vils d'entre nous sans réfléchir c'est-à-dire nous on est eux les mouchriquins ils disent nous on est les gens qui réfléchissons on a la compréhension on est des intellectuels on est des gens intelligents c'est nous qui réfléchissons et ceux qui sont là en train de te suivre là c'est pas des intellectuels c'est pas des philosophes c'est pas des penseurs c'est pas des gens avec des gros diplômes comme nous, donc ils ne peuvent pas réfléchir, ils ne peuvent pas comprendre. Et donc s'ils te suivent, c'est la preuve qu'ils n'ont pas réfléchi. Nous, on ne t'a pas suivi parce qu'on a réfléchi. Hein? Et le Coran et la Sunna, c'est une révélation révélée pour tous les degrés, tous les niveaux de la société, pas pour une catégorie de la société en particulier. Autant l'intellectuel et la personne intelligente, l'ingénieur et le médecin sont capables de le comprendre, autant le fermier et le paysan et la personne ordinaire est capable de le comprendre aussi. Hein? Et donc, ils croient que, ou ils pensent que ce sont seulement eux qui peuvent réfléchir, que ce sont seulement eux qui possèdent de la raison, et que ceux qui ont suivi Nuh, alayhi salam, ils n'ont pas de réflexion, ils ne peuvent pas comprendre. Et que si ce que Nuh avait amené était la vérité, eh bien eux, ce sont eux qui auraient été les premiers à le suivre, les notables de la société, les gens riches de la société, les gens haut placés dans la société, ce sont eux qui auraient accepté en premier. Le fait qu'ils l'ont abandonné, qu'ils n'ont pas voulu suivre Nuh, c'est la preuve que ce n'était pas la vérité selon eux. Et ça c'est totalement faux. Et le cheikh il dit qu'en général, ceux qui rejettent la vérité et qui mécroient en la vérité, ce sont souvent les gens de la luxure et les gens qui vivent dans le luxe et l'extravagance et la richesse. Souvent c'est comme ça. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 34, dans surat al-Saba, il dit, nous n'avons envoyé de messagers dans un village, dans une ville, comme avertisseurs, excepté que les gens, les notables et les gens haut placés dans cette ville ont dit nous refusons de croire en ce avec quoi tu as été envoyé. Donc, le cheikh il dit la majorité des gens qui suivent la vérité sont souvent les faibles et les pauvres, parce que ils n'ont pas d'orgueil, ils n'ont pas de cette fierté-là qui les empêche d'accepter la vérité lorsque cette vérité leur est amenée. Tandis que les riches, ils ont en eux quoi? Takabbur. Ils ont la fierté et l'orgueil. Ils se disent, nous, on est les riches, on est les haut placés, tout le monde nous respecte, tout le monde nous regarde, tout le monde se tourne vers nous. C'est nous la référence pour tout le monde. Comment on va nous suivre quelqu'un comme eux? C'est comme si là la balance est inversée pour eux. Et au lieu d'être ceux qui sont suivis par les gens et qui sont respectés par les gens et qui sont la référence, c'est nous qui devenons les suiveurs et qui vont commencer à suivre ce que d'autres sont en train de faire. On ne peut pas faire ça. Ils ne veulent pas accepter ça. Et ça, bien entendu, c'est en général, parce que bien entendu, il peut y avoir des riches qui sont humbles et qui sont modestes et qui acceptent la vérité lorsqu'elle leur est amenée. Et il peut y avoir aussi des pauvres qui sont fiers et orgueilleux, qui refusent d'accepter la vérité lorsqu'elle est présentée vers eux. Donc ça fait des cas généraux, qu'on explique. Regardez, comme par exemple, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, c'était un riche dans parmi les, la tribu de Quraysh, il n'était pas pauvre, et pourtant c'était le meilleur de cette umma. Hein? Et il se peut également qu'il y ait eu des gens qui étaient pauvres, qui n'avaient rien, mais que lorsqu'on leur présente la vérité, ils n'acceptent pas. Et combien il y en a des gens ici dans cette société ou ailleurs, hein, qui sont parmi les plus bas de la société, qui ne pensent qu'à se, en tout cas, qu'à faire des choses haram et à s'éloigner du droit chemin, et ce sont des pauvres, et quand on leur présente la vérité, ils ne veulent pas abandonner leur mode de vie d'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils sont satisfaits par cet égarement-là, et ils sont aveuglés. Donc, même si le fait que quelqu'un soit pauvre, ce n'est pas nécessairement la référence ou la preuve qu'il va accepter qu'est-ce qu'il a. Donc, le cheikh il dit, le fait d'utiliser comme preuve ou comme référence que quelque chose est vrai par le fait que les pauvres sont que les riches sont en train de le suivre, ou bien des gens haut placés, ça c'est les références et les preuves des gens de la jahiliya. Hein? Ce n'est pas les gens qui sont sur la vérité qui utilisent cette référence-là. Donc le cheikh il dit d'utiliser aussi le fait que des gens soient en train de d'utiliser comme preuve le fait que ceux qui suivent quelque chose sont des pauvres pour dire que c'est faux, ça aussi ça fait partie des références et des jugements des gens de la jahiliya. Donc il n'est pas permis d'utiliser ces références-là et cette balance-là pour juger entre la vérité et le faux. Et c'est pour ça que les ulama ont toujours dit, la vérité n'est pas connue, on ne reconnaît pas la vérité par rapport à qu'est-ce que les hommes disent ou qu'est-ce qu'ils suivent, mais plutôt on reconnaît les hommes par la vérité. On reconnaît les vrais hommes par la vérité, mais on ne reconnaît pas la vérité par qu'est-ce que les hommes font ou qu'est-ce qu'ils disent. C'est pas parce qu'un tel a dit que c'est vrai, c'est pas parce qu'un tel a fait que c'est vrai. Mais on reconnaît que lui, c'est un homme vrai qui est sur la vérité parce qu'il est en accord avec la vérité. Donc la référence, c'est pas les hommes, la référence, c'est la vérité elle-même. Et on juge les hommes selon cette vérité-là. Et on ne juge pas la vérité selon les hommes. Donc ça, c'est un principe très important. تحريف أدلة الكتاب بعد معرفتها لتوافق أهواءه. المسألة السادسة والعشرون. Le cheikh il mentionne maintenant un autre point parmi les questions de la jahiliya ou les points de la jahiliya, c'est le point numéro 26. C'est le fait que les gens de la jahiliya, ils déforment les preuves de la révélation après les avoir appris, les avoir connus, pour qu'elles soient en accord avec leur passion. Quand ils voient un verset, le verset est en contradiction avec ce qu'ils veulent. Et ils l'ont bien compris. Alors ils déforment le sens de ce verset-là, ou ils déforment le texte de ce verset pour qu'il soit en accord avec leurs désirs et leurs passions. Ça c'est la religion de la jahiliya. Tahrifu, Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit, Tahrifu kitabillah min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Il déforme le sens ou le texte du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala après l'avoir réfléchi, après l'avoir compris, alors qu'ils savent. Et le cheikh Al-Fawzan il explique, il dit: من شأن اليهود والنصارى تحريف كتاب الله التوراة والإنجيل من بعد ما عقلوه تعلموه وفهموه وحرفوه بزيادة أو نقصان أو تفسير بغير المعنى الصحيح من أجل أن توافق أهواءهم، وهذه مصيبة لا يزال المسلمون يعانون منها. وأول ما كانت عند أهل الكتاب من أهل الأهواء والرغبات والشهوات، إذا لم يقدروا على تكذيب النص وجحوده سطوا عليه بالتحريف والتأويل والتفسير بغير معناه، ولا يزال المسلمون يعانون من هذه الآفة من أهل الأهواء والفرق الضالة وأصحاب الشهوات. إذا قيل لهم الربا حرام قالوا المراد بالربا كذا، ويفسرون الربا على حسب أهوائهم على حسب هواهم. والآن موجود لهم كتب وكتابات وفتاوى تبيح الربا وإذا قيل هذا حرمه الله ورسوله قالوا ليس هذا هو الربا الذي حرمه الله ورسوله الربا الذي حرمه الله ورسوله هو ربا الجاهلية زيادة الدين على المعسر فقط أما ربا الفضل فهم ينكرونه أو يقولون الربا المحرم هو الربا الاستهلاكي أما الربا الاستثماري فهو مباح. Donc les exemples, le cheikh il dit que les juifs et les chrétiens, ça fait partie de leur méthode et de leurs affaires. Ils déforment le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la Torah et l'Injil. Après l'avoir compris, après l'avoir appris, après l'avoir réfléchi, ils déforment sa signification soit en ajoutant ou en enlevant, ou bien en interprétant son sens par une interprétation qui est incorrecte, contraire à ce qui est correct, pour que ce soit en accord avec leur passion. Et ça, c'est un grand malheur, et ce malheur-là, les musulmans jusqu'à aujourd'hui sont encore en train d'en souffrir. Pourquoi? Parce que, au début, c'était quelque chose qui avait atteint les gens du livre, parmi les gens de la passion et des désirs, et qui suivent leurs envies. Et lorsqu'ils n'ont pas été capables de traiter les textes directement de mensonges et de les nier directement, alors ils sont allés vers la déformation et la fausse interprétation des textes pour l'interpréter d'une façon qui est incorrecte. Et les musulmans, encore aujourd'hui, ils souffrent de cette maladie qui a atteint les gens de la passion et les sectes d'égarement et les gens qui suivent leurs désirs et leurs envies. Lorsqu'on leur dit par exemple que riba c'est haram, ils disent qu'est-ce qu'on veut dire par riba, c'est autre chose. Ils essaient d'interpréter le riba selon leur passion. Le riba c'est pas ça, hein, le riba c'est autre chose. Et donc aujourd'hui on retrouve que ces gens-là, ils ont même écrit des livres et ils ont même des fatawas qui leur ont été faites pour leur permettre le riba. Et lorsqu'on leur dit ça c'est interdit par Allah et par son messager, ils disent non, ça c'est pas le riba que Allah et son messager ont interdit. Le riba que Allah et son messager ont interdit, c'est riba al-jahiliya. Riba al-jahiliya c'est quoi? C'est de dire par exemple que lorsque quelqu'un il a une dette envers toi et qu'il est dans la difficulté, tu lui augmentes sa dette. Ça c'est riba al-jahiliya. Mais riba al-fadl, ça ils le nient. C'est-à-dire, ils disent que riba al-fadl, c'est pas interdit. Riba al-fadl, c'est quoi? C'est quand tu fais du troc. Hein? Quand tu échanges deux choses, l'une par l'autre, eh ben, tu l'échanges pas à quantité égale. Tu l'échanges pas à quantité égale pour valeur différente. Hein? Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un, il a des vieilles dates. Comme ça, il y a des hadiths qui ont été mentionnés comme ça. Il y a un hadith, le hadith de Bilal. Il avait des vieilles dates, il avait, disons, deux seaux de vieilles dates. Il est allé pour les échanger pour un seau de dates neuves, de bonnes dates. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bilal, d'où est-ce que tu es venu avec ces dates fraîches? Il a dit, j'avais un seau de deux dates vieilles. Je suis allé, je les ai donnés en échange pour un seau de bonne date. Il a dit non, ça c'est pas correct. Il a dit qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que tu prennes les deux seaux que tu avais de vieille date, que tu les vendes pour leur valeur, et qu'avec l'argent que tu as tiré de ce seau de ces vieilles dates, tu achètes avec la quantité de dates fraîches que tu pouvais te procurer avec l'argent que tu avais. La même chose avec de l'or, le vieil or et le nouvel or. Quelqu'un ne peut pas échanger, disons, il dit moi j'ai du vieil or, puis ou bien j'ai un or neuf et toi tu as de l'or ancien, ou bien moi j'ai de l'or ancien, toi tu as de l'or neuf. On va faire un échange de poids différent, étant donné que le mien est neuf, il a plus de valeur que le tien qui est ancien. Le prophète Sansam il a interdit ça. Il a dit si tu veux l'échanger, qu'est-ce que tu fais? Tu vends ton or qui est ancien, tu prends la valeur, et après tu achètes ce que tu peux avec la valeur que tu as pu retirer de cet argent-là. Ça, c'est ce qu'on appelle riba al-fadl. Et il y en a d'autres qui ont interprété le riba en disant, qu'est-ce qui est interdit dans le riba, c'est seulement l'usure. Mais le riba ordinaire, pour faire, pour investir, pour faire augmenter la valeur de ton argent, ça c'est, tant que c'est un taux raisonnable, donc ça c'est pas interdit. Et bien entendu, tout ça c'est des choses fausses, parce que le riba, que ce soit à un taux élevé ou à un taux bas, tout est haram. Soit que, c'est ça, si les gens vont faire des échanges, soit qu'ils font des échanges pour des choses qui ont une valeur, c'est-à-dire pour des gens qui ont des choses qui ont des valeurs égales, équivalentes, ou bien, avant de faire l'échange, ils vont aller vendre la marchandise qu'ils ont pour avoir sa valeur et acheter avec sa valeur qu'est-ce qu'ils peuvent de quelque chose qui a une autre valeur. D'accord? Non. Wafika barak. Le cheikh il dit, وَقَدْ صَحَّ فِي الْأَحَادِيثِ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ربا الفضل في الصحيحين الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد هذا ربا الفضل حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وربا الفضل داخل في عموم قوله وحرم الربا donc le cheikh il explique qu'il y a des hadiths clairs qui interdisent riba al-fadl al-fadl riba al-fadl c'est-à-dire comme on a expliqué tout à l'heure comme c'est mentionné dans al-Bukhari et Muslim un hadith authentique qui dit l'or pour l'or, l'argent pour l'argent, al-bur bil-bur, je sais pas le bur c'est quoi, c'est de l'orge ou quelque chose comme ça, al-sha'ir ou bil-sha'ir, donc c'est des différentes sortes de grains, hein, al-tamr ou bil-tamri, les dates pour les dates, le sel pour le sel, mislan bi-misl, c'est-à-dire des choses qui sont égales, comparables, sawa'an bi-sawa, yadan bi-yad, ça doit être un échange qui se fait directement, de main à main, hein. Donc ça c'est des conditions et des règles dans le commerce. Et ça on appelle riba al-fadl. Et riba al-nasi'a, c'est qu'est-ce qu'on appelle riba al-jahiliya, c'est riba al-nasi'a. Que tu vas augmenter la dette de quelqu'un lorsqu'il arrive à terme parce qu'il ne peut pas payer. Ça c'est riba al-jahiliya, ou on appelle aussi riba al-nasi'a, ça aussi c'est haram. Mais il y a aussi riba al-fadl qui est interdit aussi. Et eux ils essaient de nier ça. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit clairement, c'est dans le hadith, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne, on doit le prendre, et ce qui nous interdit, on doit s'en abstenir, comme si c'était un verset de Coran, comme c'est mentionné dans Surat al-Hashr, le verset 7, ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Surat al-Hashr, le verset 7. Donc Rib al-Fadl, il entre dans le sens général du verset, وحرم الربا nous avons interdit الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فلما كان اليهود فلما كان في اليهود من يحرف التوراة وكان في النصارى من يحرف الإنجيل وجد في هذه الأمة من يحرف القرآن والسنة من أجل إباحة ما هو عليه أو عليه غيره والواجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة. Le cheikh il dit, étant donné que parmi les juifs, il y en a eu qui ont déformé et falsifié le sens de la Torah, ils ont déformé la Torah. Et il y en a parmi les chrétiens qui ont déformé l'Injil, l'Évangile. Alors, il y a dans cette umma, parmi les musulmans, des gens qui ont voulu déformer et falsifier le sens ou bien le texte de la révélation du Coran et de la Sunna. Pour rendre halal des choses qu'ils sont en train de faire ou bien que d'autres qu'eux sont en train de faire. Qu'est-ce qui est obligatoire pour le musulman? C'est plutôt de suivre le Coran et la Sunna. Le cheikh il donne des exemples, il dit « وَمِنْ تَحْرِيفِ الْيَهُودِ أَنَّ اللَّهَ لَمَّا قَالَ لَهُمْ أُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً » يعني حط عنا ذنوبنا واغفر لنا حرفوا وقالوا حبة في حنطة يعني زادوا حرف النون والمؤولة لصفات الله لما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا معناه استولى فزادوا اللام من جنس نون اليهود هذا تحريف بالزيادة وهناك تحريف بالنقص وتحريف في المعنى وهو تفسير القرآن بغير تفسيره الصحيح وتفسير الأحاديث بغير تفسيرها الصحيح وهذا كله من تحريف الكلمة عن مواضعه Donc le cheikh il dit, parmi les déformations des juifs, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 58, dans surat al-Baqarah, entrez dans la porte, ou entrez par la porte, prosternée, en prosternation, et dites hitta. Hitta, c'est-à-dire, oh Allah, enlève-nous nos péchés et pardonne-nous. C'est ça que ça veut dire hitta. Eux, au lieu de dire hitta, ils ont changé la parole, ils sont rentrés sur, au lieu d'être prosternés, ils sont rentrés assis sur leur derrière, et ils avançaient, et au lieu de dire hitta, ils disaient, habbatun fi hintatin. Hein? Ils ont déformé la parole. Habbatun fi hintatin. Fi hintatin. Donc, ils ont rajouté, au lieu de dire hitta, ils ont dit hinta. Ils ont rajouté un noun. Hein? Et ça, c'est une déformation de la parole. Et les gens qui déforment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les gens bid'a chez les musulmans, hein, comme les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiya, hein, ils refusent d'affirmer les attributs qu'Allah s'est donné à lui-même, parce qu'ils prétendent que c'est des choses qui sont yani, pas rationnelles, ils ne peuvent pas les accepter, parce qu'ils disent que ce que Dieu dit dans le Coran, c'est pas rationnel, et que ça fait une ressemblance entre Allah et sa création, donc il nie l'essence des attributs, il nie les attributs d'Allah et déforme le sens de ces attributs-là, comme par exemple quand Allah il dit dans le verset 5 dans surat Taha, Ar-Rahman ou ala l'arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-delà de son trône. Eux, ils disent, la signification du mot istawa, en arabe qui veut dire s'élever, ou monter au-dessus de ou s'élever au-dessus d'eux, eux ils disent ça veut dire istawla. Donc istawa, ils ont rajouté le lam, istawla. Hein, istawla. Au lieu de dire istawa, ils ont dit istawla. C'est quoi la différence dans la signification? La différence dans la signification, c'est que istawa, c'est comme j'ai dit, ça veut dire s'élever au-dessus ou bien monter au-dessus. Istawla, ça veut dire quoi? Ça veut dire conquérir. Prendre le dessus, prendre le pouvoir sur. Donc c'est ça. Donc eux ils prétendent que pour sortir de l'idée qu'ils ont que le fait de dire que Allah est au-dessus de son trône, c'est une ressemblance entre la création et la créature, pour s'enfuir de ça, ils ont préféré dire que plutôt que Dieu a conquis le trône, a pris le pouvoir sur le trône. Et ça veut dire que, selon qu'est-ce qu'on comprend quand on entend leur falsification de la signification, hein, ça voudrait dire qu'avant, il y avait quelqu'un qui avait le trône d'Allah, et que Allah est venu, il l'a conquis, il a repris le pouvoir sur son trône. Et ça c'est encore plus grave que qu'est-ce qu'ils prétendent vouloir purifier Allah subhanahu wa ta'ala de la soi-disant ressemblance qu'ils ont imaginée eux, puisqu'il n'y a pas de ressemblance. L'istiwa d'Allah et l'istiwa d'une créature, c'est pas comparable. Sauf dans l'esprit de quelqu'un qui essaie de faire d'imaginer comment. Mais on n'a pas le droit d'imaginer le comment. Et Allah il dit, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc il faut croire en Allah tel qu'il s'est décrit lui-même sans déformer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le Cheikh Al-Fawzan, il dit donc, l'exemple des Juifs quand ils ont ajouté le noun à hitta, ils ont dit hinta, eh bien, les gens de Bid'a, parmi les musulmans, ils ont fait la même chose avec Estawa, ils ont rajouté le lam, Estawla. Donc, les Juifs ont rajouté un Noun, et les Jahmiya ont rajouté un lam. Hein? Donc ça fait partie du tahrif aussi. Bien entendu, ils n'ont pas rajouté textuellement avec en rajoutant un lame dans le mushaf, mais dans l'interprétation, ils l'ont rajouté. D'accord? Et le cheikh il dit, « وَهَذَا تَحْرِيفٌ بِالزِّيَادَةِ » Ça, c'est une forme de déformation par ajout. On a rajouté quelque chose, on a rajouté une lettre. Sinon, il y a aussi des déformations par retrait. Quand on enlève quelque chose ou on diminue le texte, on enlève des lettres, ou bien une déformation de la signification, ou une déformation en interprétant le Coran d'une façon qui est incorrecte. Et ça, on le retrouve souvent, surtout à notre époque. Et quand on leur parle à ces gens-là et qu'on leur mentionne les significations du Coran et de la Sunna, et on leur explique qu'est-ce que les ulama ont dit à propos de certains versets, et que ce n'est pas en accord avec leurs désirs et leurs passions, ils disent « mais ça c'est juste une interprétation ». Hein? Et ils parlent des musulmans qui suivent la sunna, qui suivent la voie des salafs, et ils disent « ah, ces gens-là ils suivent des interprétations, et ce sont des interprétations très dures ou littéralistes ou des choses de ce genre ». Et la façon dont ils parlent, c'est comme si pour eux, l'interprétation du Coran n'avait aucune règle, aucun principe, aucun fondement. C'est que, comme on dirait que selon eux, n'importe qui peut se lever et interpréter le Coran selon ce qui lui passe par la tête et dire ce qu'il pense et ce qu'il veut du Coran. Et on dirait que pour eux, les savants de l'islam, ils ne faisaient que dire leurs propres opinions sans se référer à des règles et à des principes. Alors que c'est totalement faux. Et il y a des règles et des principes pour le tafsir que les gens doivent respecter, que les ulama doivent respecter lorsqu'ils expliquent le Coran. Hein? Et ces règles-là sont des principes et des règles qui ont été tirées du Coran et de la Sunna et qui ont été appliquées par les Sahaba et par les ulama de l'islam par la suite qui ont écrit leurs livres de tafsir. Hein? Mais ceux qui ne les connaissent pas, ceux qui n'ont pas étudié ce sujet-là, eh bien, ils ne sont pas au courant et ils s'imaginent que n'importe qui peut interpréter le Coran et la Sunna comme ils veulent. Surtout lorsque ce sont des gens qui n'ont pas étudié les fondements des salafs et les principes des salafs. Et c'est pour ça qu'alhamdoulilah, il y a des ulama de l'islam, comme Ibn Taymiyyah et d'autres grands imams de l'islam, qui ont écrit des livres sur les fondements de l'interprétation du Coran, au sur le tafsir. Et dans ces livres-là, ils ont clarifié, ils ont expliqué c'est quoi les règles et les bases et les fondements sur lesquels on doit se baser pour bien comprendre le Coran correctement. Il ne faut pas l'interpréter d'une manière qui va déformer son sens et qui va l'éloigner de la réalité de ce qu'il signifie. Mais les gens de Bédaï ne prennent pas ça en considération. Donc, tout ce qu'on a mentionné comme exemple du fait qu'ils déforment la signification des versets du Coran, où ils donnent des fausses interprétations au hadith, hein, tout ça, ça fait partie de déformer la parole en dehors de son contexte. Et surtout de la part des gens qui disent ou qui prétendent respecter le texte et le contexte, on remarque de leur part que c'est les premiers à ne pas respecter le texte et à déformer également le texte et de le mettre en dehors de son contexte. Parce que souvent vous les entendez dire ça, le texte et le contexte, et on s'imagine qu'ils parlent du contexte du texte, mais ils ne parlent pas du contexte du texte, ils parlent du contexte social, du contexte économique, du contexte politique, et ils disent si le texte est en contradiction avec le contexte social, ou avec le contexte politique, ou le contexte économique, il faut changer, déformer, tordre le texte, pour le mettre en accord avec le contexte social. Donc, en voulant dire, il faut changer la signification des versets et des hadiths quand on voit que ça ne marche pas avec la société. Donc, tu viens vivre au Québec, toi, tu sors d'un pays musulman, hein, tu quittes le pays musulman pour venir vivre dans une société juive, chrétienne, laïque, athée, mécréante, tu t'installes ici, et là, tu regardes, t'amènes le Coran et la Sunna avec toi, puis là tu regardes comment tu vas faire pour appliquer le Coran et la Sunna dans cette société qui est en opposition totale avec l'islam. Et là quand tu trouves qu'il y a un verset de Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne s'applique pas, Donc là, tu déformes le sens. Tu dis, ah ben ça, on ne peut pas l'appliquer comme ça, donc on va changer la signification pour que ça devienne halal, pour que ça devienne correct. Comme ça, on a une bonne conscience. On est en paix parmi les mouchriquines et les kuffars, les yahoud ou les nasara, et les laïcs et les autres, et puis tout le monde est en paix, on va vivre en harmonie tous ensemble. Ça, c'est de l'égarement total. Et ça, c'est qu'est-ce que Allah nous a interdit de faire. Et ça, c'est ce que les juifs et les chrétiens ont fait avant nous. Et c'est ce que Allah nous a interdit de faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit ça dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous allez suivre les juifs et les chrétiens pas à pas. Même s'ils rentrent dans un trou de lézard, vous allez les suivre dedans. Il a dit, oh messager d'Allah, qu'est-ce que tu veux dire les juifs et les chrétiens? Il a dit, qui d'autre? Les juifs et les chrétiens, c'est eux. Donc maintenant aujourd'hui il y a des musulmans, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de suivre les juifs et les chrétiens pas à pas. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement bien décrit, hein, pas à pas, main à main, bras à bras, vous allez les suivre. Et comment, quelle personne logique, hein, qui a une intelligence, un minimum d'intelligence et de compréhension, va vivre dans un, va quitter un environnement musulman, islamique, peut-être qui n'est pas parfait, mais qui est, disons, à la base islamique. Quitter cet environnement-là, abandonner la da'wah, abandonner la réforme, abandonner le travail que chaque musulman doit faire dans son environnement et dans son entourage, parce que t'as trouvé que ton pays musulman n'était pas parfait. Donc t'as dit, t'as baissé les bras, t'as dit je peux pas le changer, je peux pas faire da'wah, je peux pas ordonner le bien et interdire le mal, comme c'est une obligation pour chaque musulman de le faire selon sa capacité et sa connaissance, tu veux pas te casser la tête avec ça, tu dis non je veux pas faire le travail des messagers, des prophètes et des réformateurs, je préfère avoir le chemin plus facile, je vais aller vivre avec les juifs et les chrétiens. Là, je vais pas à me casser la tête, là-bas, soi-disant, c'est pas des musulmans. Donc s'ils font des choses haram, c'est pas grave, selon ce que certains s'imaginent. Donc tu vas vivre parmi eux, tu vas profiter de leur développement technologique et de leur aisance et leur confort matériel, et puis après, petit à petit, tu vas dire, on va essayer d'adapter notre islam à cette société-là. Et c'est ça ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Hein? Et combien ont été les victimes de cette mauvaise compréhension qui est propagée par certains d'entre eux. Et maintenant, Allah Musta'an, on voit que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ils sont même en train de, comme en France maintenant, maintenant en France ils sont en train d'essayer de former des imams dans les églises, dans des instituts ou dans des universités catholiques. Ils enseignent et ils forment des imams là-bas. Hein, et ils veulent faire que les imams soient formés avec un islam qui est inventé par eux. Islam français, comme ils disent. Hein. Et après, ils vont peut-être essayer de ramener ça ici aussi. Bon, je doute que ce soit possible pour eux. Parce que la mentalité d'ici, là, est un peu différente par rapport à la mentalité de la France. Déjà ici, les Anglais sont plus ouverts. Donc, hein, comme en Angleterre, et le gouvernement canadien et fédéral suivent plus la voie de l'Angleterre, tandis que les Québécois, eux, veulent suivre l'exemple, ceux qui veulent la séparation, ils veulent suivre l'exemple français, laïque, pas de religion, etc. Mais la laïcité qu'ils utilisent et qu'ils prêchent, en réalité, c'est un prétexte pour imposer aux musulmans les valeurs des juifs et des chrétiens, sous le couvert de la neutralité de l'un et de la laïcité. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est juste pour stopper l'avance de l'islam. Hein, l'avancement de l'islam. Et si les musulmans qui viennent ici venaient avec du ilm, du Coran et de la Sunna, et avec une conviction, une foi forte, hein, et avec les moyens nécessaires pour faire avancer cette religion et la propager et l'enseigner autour d'eux, alhamdoulilah. Là, ce serait autre chose, mais c'est pas le cas. Et c'est ça le malheur. Ils viennent sans connaissance, et leur foi, ça dépend d'une personne à l'autre, mais on voit que beaucoup d'entre eux parfois sont faibles, ils se laissent aller dans les déserts et les passions parfois, et la da'wah, c'est nul presque. ou presque pas de da'wah. Et donc c'est pour ça que l'islam, elle est stagnante. C'est-à-dire on ne la fait pas avancer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un développement à l'intérieur, soi-disant, on fait des petites mosquées à gauche, à droite, mais ce n'est pas basé sur quelque chose qui est bien structuré, organisé et clair. Donc, Inch'Allah, on espère qu'à l'avenir, Allah subhanahu wa ta'ala nous protège des déviations et des égarements et des éloignements de l'ignorance et de tout ce qui peut nous faire détourner du droit chemin, qu'il nous protège et qu'il nous guide et qu'il nous augmente en compréhension et en science. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continue la semaine prochaine, inshallah. Demain, inshallah.